Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est donc la panique, en direct du Mangin Palace, épisode 26. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, le dimanche 5 mars 2006, 11h06, bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es 3 étoiles, tu es chez Septime, tu es suprême de volaille sur son paillasson de légumes, tu es maître d'hôtel, tu es coup de feu en cuisine, et tu es aussi... Je vais vous expliquer. N'oubliez pas qu'ici vous êtes dans la cuisine, et au-delà de cette porte c'est la salle, et dans la salle il faut servir, et servir c'est sourire, et le sourire c'est notre pourboire aux clients, voilà. Oui. Tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu es grand restaurant, tu es gastronomie à la française. Depuis mercredi dernier, tu disposes enfin de la nouvelle édition du Guide Michelin 2006. Alors, même si ces dernières années, les conseils du gros bibendum se sont apparemment un peu ringardisés, il n'empêche que la tradition demeure et que Michelin a donc décerné cette semaine ses fameuses étoiles. Il faut savoir que les critères pour décrocher ce label de qualité interstellaire sont redoutables. Et afin d'y voir plus clair, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin de t'organiser un voyage dans la galaxie de la haute gastronomie française. Ainsi, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée mais toujours décalée, celle des grands restaurants. Pour commencer, il faut se souvenir que l'art de la table, c'est une tradition française. Ensuite, nous essaierons de définir quels sont les détails essentiels qui constituent la saveur d'un grand restaurant. On enchaînera sur une interview exclusive de Jean-Claude Dreyfus qui viendra nous dire quel genre de restaurant il fréquente. Et puis, il faudra te dévoiler ce qui s'est passé le week-end dernier dans les cuisines du Palais de l'Élysée. Et enfin, te raconter ce dîner aux chandelles dans ce restaurant luxueux où Monique et Jean-Claude se sont rendus jeudi dernier. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son et trémousse-toi chaudement. I just can't get enough. just can't get enough. Just like a rainbow, you know you set me free. And I just can't get enough. And I just can't get enough. You're like an angel. Just Can't Get Enough chante en 1981 le groupe Depeche Mode sur l'album Speak and Spell. Just Can't Get Enough, je n'en ai jamais assez, c'est un peu ce que tu chantes devant la farandole de dessert d'un grand resto. Donc, la panique au Mangin Palace s'intéresse cette semaine à l'univers de la haute gastronomie à l'heure où vient de paraître le guide Michelin 2006. Cette année, la Tour d'Argent a perdu sa deuxième étoile, la pauvresse. Tandis que Rollinger vient d'obtenir sa troisième étoile, Youpi. Et oui, au mois de mars, la parution du guide rouge place certains grands chefs. En France, les restaurants 3 étoiles et plus généralement les arts de la table sont à la fois des symboles nationaux et de véritables lieux de mémoire. Sous la monarchie absolue, avec la codification des usages de la cour, les arts de la table s'imposent comme un élément à part entière de l'étiquette. La table de Louis XIV, par exemple, est une mise en scène de l'espace et du temps. Tout est fait pour glorifier le souverain dans un cérémonial éclatant. La grande cuisine s'impose peu à peu comme un marqueur social et comme un élément de distinction. Savoir se tenir à table, savoir recevoir, selon les codes mis en place à Versailles, relève du bon goût, comme par exemple à Chantilly, en 1671, quand le prince de Condé reçoit le roi Soleil. Condé a de la chance, ce banquet ferait pâlir d'envie un empereur romain. Quel magnifique spectacle! Condé, qui est responsable de ces merveilles? Mon maître d'hôtel, votre majesté. Et quel est le nom de cet homme? François Vatel. Faites venir ce Vatel. Nous voulons le féliciter. Ainsi, au XVIIIe siècle, la France devient une référence mondiale en matière de gastronomie. Le grand service à la française, c'est un mode de présentation des plats qui sont disposés tous en même temps et de manière symétrique sur la table. Il y avait, sur une nappe blanche brodée, il y avait du caviar sur les toasts beurrés, il y avait du pain mis hors d'œuvre varié, il y avait un faisan rôti sur le canapé, il y avait magnum de champagne frappé, éclairé par quatre bougies allumées. Sur la table, il y avait du fromage, des fruits, des sablés. Il y avait de la liqueur et du café, du Brésil. La vraie rupture dans l'art de la table a lieu dans les années 1780. Apparaissent alors, à côté des tavernes et des auberges, un nouveau type d'établissement, les bouillons qui restaurent. On parle aussi de bouillons-restaurants, puis de restaurants. Avec la Révolution, de nombreux cuisiniers au service de maisons nobles perdent leur employeur et ouvrent alors un restaurant. Pour des raisons pratiques d'addition, le service à la française n'est plus possible. Quand tous les plats sont en même temps sur la table, savoir qui a mangé quoi, c'est compliqué. Se met alors en place le service à la russe. Autrement dit, les plats sont désormais servis les uns après les autres. Bonjour madame, bon appétit. Saumon fumé, filet de sole, bouillie fuissée, profiterole, pâté de canard, agneau rôti, demi-pommard, salade de fruits. Merci madame, bon appétit. Merci madame, garçon, ici. Ainsi, le 19e siècle voit se multiplier les restaurants qui font de Paris la capitale de la bonne table. Mais une nouvelle espèce d'individu apparaît aux côtés du cuisinier, le gastronome. Le gastronome ne fait pas la cuisine. Lui, il en parle, il en disserte. Le gastronome écrit des livres et critique les restaurants. C'est ainsi que Grimaud de la Reinerie publie à partir de 1802 l'Almanach des gourmands qui est à l'origine de nos guides gastronomiques qui t'aident souvent à choisir ton restaurant. Une fois n'est pas coutume, allons au restaurant, nous payer du caviar et des petits ortolans. Consultons le journal à la rubrique Esbrouf, révélant le bon coin où pour pas cher on bouffe. Nous irons irons à celui-ci, nous irons à celui-là. Mais il y a des objections, l'un l'autre aime ça. Je propose, engouffrons le très petit peu mince au bistrot, le troisième après la rue Huygens. Tous d'accord, remontons le boulevard Raspail jusqu'au bar où l'on suce la mousse avec les pailles. Les gastronomes t'aident donc à choisir ton restaurant. Au début du 19e siècle, Brillat Savarin, avec sa physiologie du goût, fait de la gastronomie une science. Les gastronomes font donc évoluer l'art de la table, comme te l'explique en 1953 Kurnonski, le prince des gastronomes. Quel déjeuner j'ai fait ? Comme on chantait déjà du temps des mousquetaires. Bon. Parce que moi j'ai vécu dans un temps où les chefs fichaient du foie gras et des truffes dans tous les plats. Bon. Il avait l'erreur surtout de vous donner le foie gras en quatrième plat avec une salade qui vous foutait tous les vins par terre. On ne peut pas boire, on ne peut pas manger un bon foie gras après une salade. J'ai insisté toute ma vie, et je trouve ici l'application de mes vieilles théories, pour que le foie gras soit servi en premier plat. Le foie gras est le roi des hors-d'œuvre. Et malgré 50 ans d'efforts, je ne peux plus arriver à trouver aujourd'hui un dîner officiel où le foie gras ne soit en quatrième plat avec une salade. Bon. Mais oui, du foie gras en quatrième plat, c'est du n'importe nawak. La cuisine a donc fortement évolué au 19e et au 20e siècle grâce aux gastronomes. Dans les années 60-70, sous l'impulsion des critiques Henri Gault et Christian Millau, apparaît ce qu'on appelle la nouvelle cuisine, une cuisine très épurée qui prône le retour aux saveurs originales et aux sauces allégées. C'est le grand retour des légumes et des petites portions pour tenter d'atteindre une étoile. Quatre poireaux en vinaigrette pour satisfaire ta fringale. Elle te fait sortir dans la rue en levant tes deux poings au nu pour tenter d'atteindre une étoile. La nouvelle cuisine permet à des cuisiniers de renom d'assurer leurs étoiles comme Paul Bocuse, Alain Chapelle ou André Pic. Mais la nouvelle cuisine est également critiquée et connaît des dérives, comme au Biblos à Saint-Tropez le 5 août 1978. Alors Johnny, un cadeau de la part d'Intermidi Weekend, ici au Biblos. Nous avons essayé de préparer un sandwich spécial avec Johnny et pour Johnny Holiday. Il est là, il vient d'arriver, le voilà, il mesure combien ? Il mesure 1 mètre, 1 mètre 10 au bas mot. Je me demande comment on va manger ce énorme sandwich. Bah alors on va malgré tout dire comment il a été composé. Les frères Trois Gros de Roanne ont fait le rez-de-chaussée en quelque sorte de ce sandwich avec un tartare de charolais et un saucisson de Roanne. Roger Verger du Moulin de Mougins a constitué le second niveau du sandwich avec un thon en chartreuse et des petits légumes à l'huile. Jean-Louis Simonet et Robert Le Seine, qui sont les chefs de cuisine de l'hôtel Biblos, ont fait le troisième étage avec une anguille au vert et des frites, histoire de rappeler peut-être vos attaches avec la Belgique et de toute façon le fait que Robert Le Seine est aussi belge. Et puis la pointe du sandwich est faite avec des fraises au sucre. Vous voyez que c'est un repas complet. Un sandwich qui a demandé 6 heures de travail, qui pèse 25 kilos et qui fait, je le répète, un peu plus d'un mètre de hauteur. Vous voyez qu'on peut avoir de la bonne cuisine même en sandwich. Ah, je crois qu'on dit sandwich. Aujourd'hui, la cuisine tend à revenir aux saveurs traditionnelles, aux produits du terroir, tout en conservant les apports de la nouvelle cuisine. Cette nouvelle cuisine a longtemps été critiquée pour ses petites rations dans de grandes assiettes, servies dans de grandes maisons où tu n'as rien à manger, rien à te mettre sous la dent. À la maison, ils n'ont rien à manger, à se mettre sous la dent, les petits. Ils font les marchés derrière les maraîchers, ils ramassent les fruits pas pourris. Toutes ces bouches à nourrir, toutes ces bouches à nourrir qui appellent, toutes ces bouches à nourrir. Toutes ces bouches à nourrir, je les aime. Toutes ces bouches à nourrir. Les bandes sont nombreuses de gamins aux joues creuses. Je suis l'aîné des charnés. Je gère les ardoises, les pourboires des bourgeoises qui nous trouvent mignons en haillons. Toutes ces ces bouches à nourrir, toutes ces bouches à nourrir qui appellent, toutes ces bouches à nourrir, toutes ces bouches à nourrir, je les aime, toutes ces bouches à nourrir. En Amérique, en Asie, en Afrique, c'est pareil, les gamins tendent la main. Les larmes du monde sont sur eux tant de mouches qu'ils sont là de chasser de leur bouche. De leur bouche à nourrir, de leur bouche à nourrir qui appelle, de leur bouche à nourrir. Toutes ces bouches à nourrir, je les aime, toutes ces bouches à nourrir. Ces bouches à nourrir, ces bouches à nourrir, c'est ce que constate Thomas Fersen en 1993 sur un album intitulé Le bal des oiseaux. Cela dit, en ce moment, la danse des piafs dans ton assiette, c'est plutôt la valse. Alors, pour continuer notre exploration de la haute gastronomie, après avoir constaté que l'art de la table est assurément une valeur fondamentale de la culture française, il est temps maintenant d'essayer de définir quels sont les détails essentiels qui font qu'un grand restaurant se distingue de tous les autres. Selon le Bibendum, il y a plusieurs critères à respecter pour décrocher le sésame de la troisième étoile. Outre le rapport qualité-prix, la personnalité du chef ou encore le soin accordé au service, il faut également avoir le souci du cadre. L'élégance de la salle à manger est cruciale pour devenir une adresse renommée. On doit y trouver une ambiance feutrée où la lumière est tamisée, la musique discrète et le mobilier en parfaite symbiose avec le contenu de l'assiette. Cela dit, bien sûr, l'élément le plus décisif pour devenir un grand restaurant se situe bien entendu dans l'originalité et la constance en qualité de la carte. Du coup, entre la papillote de brocoli aux deux fromages et le kouglof tiède aux griottes surmonté de sa célèbre glace à la cannelle, il arrive souvent que tu te sentes un peu paumé devant tant de créativité. Et c'est ainsi que dans les grands restaurants, tu poses régulièrement des questions pour avoir quelques précisions sur la carte. Qu'est-ce que c'est que la crêpe gigi ? Eh bien, la crêpe gigi, c'est une fine couche de sarrasin saisie dessus-dessous et parsemée pétales de rose tiède. C'est délicieux. Ah oui, certainement. Je vais vous prendre une crêpe au sucre avec une bière. Ah non, non, non, je m'excuse, monsieur, nous ne faisons pas cela ici, vous êtes trompé d'établissement. Vous avez toutes nos crêpes sur la carte. Vous avez de la pâte ? Vous avez du sucre ? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus. Oh, mais qu'est-ce que c'est ce type-là ? On croit rêver ! C'est vrai, on s'est dit qu'il se croit celui-là, tête de con ! Voilà, qu'on ne voit plus ici, hein ! Qu'est-ce qui se passe ? Oh, ben c'est encore une crêpe au sucre. Eh oui, dans un grand établissement culinaire, on ne discute pas la carte du chef. Pinaillé, c'est sacrilège. Par ailleurs, un restaurant de luxe se distingue également par de petites attentions pour le client qui est roi. Par exemple, on te fait patienter avec une mise en bouche, un délicat velouté d'avocat sur son lit de crevettes cancalaises. Autrement dit, un avocat crevette. De la même manière, le café n'est jamais servi sans ses petites mignardises. Et puis, il y a surtout la qualité du service, le souci du bien-être. Durant le repas, de temps en temps, le maître d'hôtel s'approche de toi et s'inquiète de savoir si tout va bien. Tout va bien. Très bien, merci. Très bien. Quelle merveilleuse idée de nous avoir amenés ici, cher ami. Et c'est pas cher. Vraiment ? Oh, pas cher du tout. Combien ? 15 à 20 000 par personne. Sans les 20 ? Ah, oh, ben bien entendu. C'est donné. Oh. Pour le 4, s'il demande les digestifs, c'est pour moi. Et s'ils en demandent pas, alors rien. Eh oui, dans un grand établissement culinaire, pour le coup, c'est comme partout ailleurs, on ne fait pas de zèle sur les offrandes. Avec une TVA à 19,6, la vie est dure. D'ailleurs, au passage, il y a un autre point commun entre les grands restaurants et tous les autres. Oui, quel que soit le restaurant, en cuisine cette fois, tu retrouves toujours le même mec. Moi je fais la vaisselle, c'est bête, mais je suis fait comme ça. Je la veux vraiment belle, sinon je ne la fais pas. Tout en douceur, en moins d'une heure, Alors, à côté du plongeur, dans la cuisine d'un grand restaurant, il y a bien sûr ce qu'il n'y a pas ailleurs, la pierre angulaire de l'établissement gastronomique, celui sans qui rien ne pourrait se faire, à savoir le chef, l'alchimiste des saveurs. En général, c'est un type charmant, délicat et toujours à l'écoute de son personnel. Ah, le voilà! Comment ça va, monsieur Gilbert? Excusez-moi, une table de 6 qui vient d'arriver. Eh oui, blablabla, allez, annonce et dégage avec ça, tu leur expliqueras que c'est du chaud-froid maintenant. Alors, à suivre, à train de côte, un salé, deux suprêmes, un coquelet, un pavé du jour saignant. 6 couverts ensemble, 6 annonces différentes, t'as décidé de m'emmerder, toi, hein? Mais non, mais ils veulent rien savoir. Ils veulent rien savoir parce qu'ils ont vu tout de suite que t'avais une tête d'épicier, allez, tire-toi avec ça. Bon, les petits jardins pour les pâtes à dos, il en faut d'autres, Hervé, il est 1h. Oui, dans la cuisine d'un grand restaurant, il y a beaucoup de monde et en général, c'est chaud bouillant. Du coup, entre tout ce personnel qu'il faut rémunérer et le coût des produits alimentaires de qualité, au final, la véritable spécificité d'un grand restaurant, c'est qu'à la fin du repas, quand arrive la note, eh bien, tu douilles. Mais bon, si tu aimes la bonne bouffe et le vin d'excellence, en réalité, tu t'en fous de la douloureuse. J'y pense et puis j'oublie. J'y pense surtout quand je suis seul la nuit. Et quand ton souvenir revient me faire souffrir, très vite j'y pense et puis j'oublie. Tu l'auras compris, tenir son rang quand on est un grand restaurant, ce n'est pas simple. Les paramètres sont nombreux et complexes. Et parfois, alors même que tu crois être au firmament, il arrive que le guide du bibendum vienne ruiner ta réputation et te colle la honte devant tout le monde, comme ce fut le cas pour cette petite auberge en mars 1978. Chaque année, à la même époque, c'est la guerre des étoiles, pas celle du ciel, mais celle de la table, les étoiles culinaires que les guides gastronomiques distribuent au compte-gouttes. Au pays de la grande bouffe, les guides sont des dieux qui font la pluie et le beau temps. D'un seul coup de fourchette, messieurs les inspecteurs gastronomiques peuvent lancer une maison ou en couler une autre. C'est justement ce qui se passe avec le nouveau guide Michelin 78. Vous l'ouvrez au chapitre Paris, 8e arrondissement, vous cherchez la rue Royale, et vous ne trouvez pas Maxim's. Maxim's disparu, rayé du guide. Maxim's, le temple de la belle époque, là où les riches messieurs invitaient les dames légères. Maxim's, le plus célèbre restaurant du monde, qui brasse chaque année des milliers de touristes. Maxim's n'a plus 3 étoiles, ni 2, ni même 1. Maxim's connaît plus. La vieille maison est reléguée au même niveau que Borel ou que les pizzerias de quartier. Oui, le bibendum peut être cruel. Alors, pour compléter maintenant notre regard sur les grands restaurants, nous avons joint cette semaine au téléphone un acteur qui aime les plats cuisinés, le sympathique Jean-Claude Dreyfus. Pour commencer, nous lui avons tout simplement demandé s'il aimait ça, les restaurants. Réponse juste après le jingle. C'est cadeau VIP, 100% VIP. Ça le fait, ça le fait, ça le fait, ça le fait. Ah, bah oui, je passe ma vie au restaurant alors. Quand je suis un peu partout, parti en province, j'adore les routiers. Mais quand je dis les routiers, c'est les bons routiers. Hein. La nappe en Vichy, les serviettes en Vichy, et puis une cuisine très relativement simple et une cuisine de chez nous, quoi, selon les régions. Mais quand je suis à Paris, il y a des tas d'endroits où je vais qui sont des endroits tout à fait agréables, des cantines, de cuisine du sud-ouest. Et est-ce qu'il vous arrive de fréquenter des grands restaurants, comme on dit? Ça m'arrive de fréquenter des grands restaurants. Mais je suis pas trop chichi, alors c'est toujours un peu compliqué pour moi quand il y a 4 personnes autour de moi pendant qu'on est en train de manger. J'aime bien manger tranquillement, donc je préfère les grands restaurants de bonne cuisine qui sont de petite taille où il n'y a pas tout le décorum en fait. Mmh. Cela dit, dans ces grands restaurants, Jean-Claude Dreyfus, est-ce qu'il y a des détails auxquels vous êtes particulièrement sensible ? L'odeur des serviettes, quand il y a des serviettes en tissu, bien évidemment. Mais je suis très sensible à l'odeur des serviettes. Parfois, ils utilisent des lessives qui sont très fortes et qui sont très désagréables au moment où on va aussi manger. Et est-ce que vous êtes sensible au pain, par exemple, quand vous savez Oui, tout à fait. Je suis sensible. Oui, j'aime beaucoup les bons pains. C'est assez rare. J'aime beaucoup quand il y a des très bons pains et quand il y a des pains différents. Dans certains restaurants, ils vous apportent des pains. Bon, il y a à choisir des pains au raisin, aux noix ou de certaines qualités de pain, etc. Il y a une chose que je demande toujours au restaurant, ça c'est comme une espèce d'habitude qui fait rigoler tous mes amis, je demande toujours le moulin à poivre. Ah oui. Alors un restaurant pour moi qui n'a pas de moulin à poivre n'est pas un bon restaurant. Un endroit qui, au bout de 3 fois, il n'y a pas de moulin à poivre, franchement, j'y retourne plus. Moi, j'en connais qui exigent que le vin soit en carafe, alors. Et par ailleurs, est-ce que vous pourriez envisager, vous, Jean-Claude Dreyfus, d'ouvrir un restaurant gastronomique ? Non, j'envisagerais absolument pas d'ouvrir un restaurant, parce que je trouve que c'est un travail qui ne me conviendrait pas. Déjà, je vous dis, je fais pas la cuisine. Le seul intérêt pour moi d'ouvrir un restaurant, ce serait de réunir des gens pour être avec eux, pour leur parler à un moment privilégié, d'être ensemble. C'est vraiment l'intérêt des restaurants aussi, c'est d'être autour d'une table à parler, ce qu'on peut très bien faire chez soi hein, aussi. Oui. Mais ça demande beaucoup plus de boulot. Non, je pense pas que j'ouvrirai un restaurant. Non, non, non. Mais alors, malgré tout, si vous aviez un endroit comme celui-là, qu'est-ce qu'on y mangerait ? Ah, des travers de porc. Des travers de porc et puis du tarama. Ensemble. Voilà, moi, ça me va. T'as un bon petit tarama et un travers de porc et puis une très bonne glace après, sans chantilly. Tout va bien. C'était Jean-Claude Dreyfus qui vous parlait pour la panique au Mangin Palace. Once I wanted to be the greatest. No matter what I fall could stop me. And then came the rush of the flood. The stars of mine turned deep to dust. Me down. It's a big black armor. Leave no trace of grace, just in your honor. Lower me down. A corporate sound. You can watch the space and sound for the leg and the dread. Chanson interprétée par Cat Power, parce que même à l'étranger, de New York à Singapour et de Londres à Sydney, la réputation des chefs de la gastronomie française n'est plus à faire. Ils sont reconnus pour être les greatest, les plus grands. Alors, pour poursuivre notre aventure dans les méandres de la restauration de luxe, il est temps maintenant, à 11h33, de nous intéresser à un restaurant gastronomique très particulier, à savoir celui du Palais de l'Élysée. Ainsi, la panique au Mangin Palace a tenté d'imaginer ce qui a bien pu se passer dans les coulisses des cuisines élyséennes le week-end dernier. Tout a commencé après l'inauguration du Salon de l'agriculture par Jacques Chirac. Dans les travées du parc des expositions de la Porte de Versailles, entre les serrages de paluches, les poutous aux meumeux, les dégustations et les autographes, président Chirac a tout de même eu le temps de se souvenir qu'il y avait trop longtemps qu'il n'avait pas dégusté une succulente tête de veau. C'est alors qu'à son retour au palais, président Chirac s'est empressé d'aller voir sa brigade de cuisiniers pour leur faire part de ses envies pour son dîner. Quant au bœuf royal, que j'ai goûté ici avec beaucoup de plaisir, permettez-moi de vous dire que si l'on veut avoir du bœuf royal, il faut d'abord avoir un veau. Et que comme tous les veaux, naturellement, ne peuvent pas devenir des bœufs, alors il faut bien aussi les manger. D'où l'importance qu'il y a également à sauvegarder la tête de veau. Alors, malgré l'hilarité générale du personnel de cuisine, très vite, le chef cuistot de l'Élysée s'est trouvé embarrassé. Et oui, parce qu'il a une réputation à tenir. Et malheureusement, il savait qu'il n'y avait pas de veau pour le dîner dans les congélateurs du palais. Confus, il en a informé président Chirac, qui, toujours affable avec le personnel, l'a immédiatement rassuré. Mais du coup, président Chirac a souhaité aller dîner en ville dans un excellent restaurant et s'est dit au passage qu'il serait généreux d'inviter Dominique de Villepin, qui a bien besoin en ce moment d'être rassuré. Jacques a donc téléphoné à Dominique qui, effectivement, n'était pas au mieux. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie à qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, le pylore qui se colore, je suis gai, anémié, l'estomac à bien trop bas, et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démangent, l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine. Ah mon Dieu, c'est embêtant d'être toujours pas traqué. Ah mon Dieu, c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Président Chirac a alors compris que pour le dîner, c'était foutu. Et oui. Toutes ces affaires de CPE, de chikungunya et de grippe aviaire sont en train d'user considérablement Dominique de Villepin, l'ultime rempart contre le sarco-chaud. Président Chirac s'est alors inquiété et a décidé qu'il fallait en parler rapidement à la jeune garde chiracienne. Il a donc appelé François Baroin, ministre de l'Outre-mer, et Jean-François Copé, ministre du Budget, pour les inviter à dîner en ville dans un grand restaurant. Ouais, les enfants, on se fait un restaurant. Oui, d'accord, papa, mais on va au McDonald's. Président Chirac, totalement dépité, a refusé de suivre Baroin et Copé dans un fast-food. Un 3 étoiles, sinon rien. Jacques, qui n'avait pas renoncé à dîner en ville, feuilletait tranquillement son carnet d'adresses quand, tout à coup, son téléphone sonne. C'était Nicolas Sarkozy qui venait lui rappeler justement qu'ils devaient dîner tous les deux ce soir pour parler de l'UMP dans un grand restaurant parisien. Mais là, comment dire, c'est président Chirac qui a été très clair. J'accepte par erreur ton invitation. J'ai dû gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Une fois de plus, Nicolas raccrocha furax. Mais Jacques, lui, fut content d'avoir pu éviter ce rendez-vous qui lui aurait gâché sa soirée. Cela dit, toujours à la recherche d'un convive pour aller dîner en ville dans un grand restaurant, président Chirac s'est dit finalement qu'au point où il en était, il pourrait peut-être appeler François Hollande pour sonder un peu l'ambiance au PS avec le vrai faux retour de Jospin et surtout avec cette chevauchée fantastico-poitevine de la non encore candidate Ségolène Royal. Jacques a donc appelé François et président Chirac n'en est toujours pas revenu de la réponse d'Hollande. Je préfère manger à la cantine. Estomaqué, président Chirac se dit alors que président de Gaulle avait raison. Les banquets des radicaux socialistes, c'est surtout n'importe quoi. Errant seul dans les couloirs de l'Élysée, Jacques se voyait déjà avec un plateau télé devant Thalassa, Tristounet. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'au même moment, Lynn Renault lui organisait une jolie surprise avec le chef d'un grand restaurant parisien. Alors vraiment pas de menu spécial? Non, le président vous fait confiance. Merci. Il adore les surprises. Je m'efforcerai de contenter son excellence. Ah si, pourtant. Son excellence insiste pour savourer votre spécialité des desserts. Ah, la pyramide à la Septime. Pyramide à la Septime. Non, écoutez, dites à son excellence que pour lui, Septime se surpassera. Voilà. La satisfaction du client est la seule politique de la maison. Alors, pourquoi, me diras-tu, Lynn Renault a-t-elle organisé ce dîner surprise? Tout simplement à la demande d'Alain Juppé. De passage éclair à Paris, Alain souhaitait dîner avec président Chirac dans un endroit où la gastronomie est un plaisir des sens. Président Chirac se prêta de bonne grâce à ce petit jeu et se retrouva à l'adresse indiquée sans savoir réellement avec qui il avait rendez-vous. Mais il sait qu'il peut faire confiance à Lynn. Aussi, quand il vit Alain assis à la table de ce grand restaurant, président Chirac fut très ému. Je n'ai pas d'ami comme toi. Non, non, non, pas d'autre ami comme toi. Je n'ai pas d'ami comme toi. Oh non, non, non, pas d'autre ami comme toi. Comme toi. La soirée fut ponctuée de blagues québécoises et le dîner fut divin. En sortant de chez Septime, il était évident que les deux compères avaient également dégusté quelques excellentes bouteilles. Quand l'appétit va tout va, quand l'appétit va tout va, vis dans les futailles, à nous la répaille, quand l'appétit va tout va. Quand l'appétit va tout va, quand l'appétit va tout va, vive les quenottes qui croient et grignotent, quand l'appétit va tout va. La nuit fut ensuite paisible et douce pour président Chirac qui dordine. Cela dit, le réveil fut un peu plus douloureux. En peignoir, il se dirigea vers la salle de bain et savait pertinemment que cette parenthèse gastronomique partagée avec Alain Juppé allait vite s'effacer pour laisser place aux nouvelles du matin. J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, d'où qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Cette fois, je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Est-ce que tout va si mal? Est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant. Elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait enfin, si je le permets, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Me demande-t-elle soudain, me feras-tu un bébé pour Noël? Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sous la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait enfin, si je le permets. Déjeuner en paix, c'est ce que souhaite en 1991 Stéphane Escher, parce que quand tu vas dans un grand restaurant, tu peux espérer que les tables seront assez éloignées les unes des autres pour que tu puisses en effet déjeuner en paix. Alors, pour poursuivre notre exploration de l'univers des grands restaurants, il est temps maintenant, à 11h44, de retrouver nos deux héros étoilés, les chefs de rang Monique et Jean-Claude, qui sont allés la semaine dernière dans un grand restaurant. En effet, Jean-Claude était totalement déprimé après la défaite de l'équipe de France face à la Slovaquie mercredi dernier. Du coup, il a pris tout l'argent qu'il avait mis de côté pour aller voir les Bleus en finale de la Coupe du Monde en juillet prochain pour se payer un sacré gueuleton avec Monique. Il avait choisi un restaurant au hasard dans un guide et a appelé pour réserver une table pour deux personnes. Oui, je viens dîner ce soir. Je serai à l'heure, j'aurai tant de choses à te dire. Avant même le temps d'un sourire, je serai devant la porte. Jean-Claude et Monique sont donc devant la porte du restaurant à 8h tapante. La façade est plutôt jolie, à colombage, avec des jardinières de légumes aux fenêtres. Monique est rassurée, elle avait un peu peur que Jean-Claude l'invite encore une fois dans un de ses rades favoris. Au Torboyau, le patron s'appelle Bruno. Rien qu'à humer le mironton, t'as la gueule pleine de boutons. Mais non, cette fois-ci, tout s'annonce pour le mieux. Nappes blanches immaculées, couverts en argent et feu dans la cheminée. Jean-Claude et Monique sont conduits à leur table. Monique se détend quand, soudain, horreur. Elle se rend compte que le serveur est un ancien amant dont, bien entendu, Jean-Claude ignore l'existence. Monique, elle fait tout pour ne pas se faire remarquer. J'allume comme un alibi ma cigarette. Je sais très bien que tu m'as vu et maintenant je n'ose plus tourner la tête. Bien entendu, l'homme en question s'approche et perçoit le malaise de Monique. Fourbe, il fait comme si de rien n'était et donne les cartes. Monique hésite et demande timidement « Qu'est-ce que c'est la farandole de poisson de roche dans son bain de safran ?» Le serveur répond aussitôt « Une langouste est nécessaire, de la baudroie et des favouilles, 12 rascasses, un petit Saint-Pierre, huile, safran, ail et fenouil. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon bon, ah que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. » Ok, va pour la bouillabaisse. Jean-Claude, lui, se perd un peu au milieu de tous ces noms compliqués. Chiffonnade de roquettes aux extraits de latin de l'étance, Bartavel en feuilleté à la Coligny. Alors, quand le serveur demande à Jean-Claude ce qui lui ferait plaisir, la réponse est aussitôt « Fais-moi un !»« Tout ce que je veux, c'est manger mon !»« Tout ce que je veux, c'est manger mon !»« Poulet rôti !» Oui, Jean-Claude se dit qu'il est sorti vainqueur de la vache folle tout en continuant à manger du tartare et que ce n'est pas la grippe aviaire qui va l'empêcher de manger du poulet, son plat favori. Quand les assiettes arrivent, le serveur, ancien amant de Monique, ne peut s'empêcher de lui faire un petit sourire coquin que Jean-Claude remarque aussitôt. Monique essaie de le calmer. Oublie-le vite. Oublie ce type. Viens. Goûte mes frites. Jean-Claude goûte donc une frite, mais reste assez tendu. Ouais, pour qu'il se prend ce serveur, je vais lui bouffer son de pape, moi. Monique tente encore une fois de calmer Jean-Claude. Ce type, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, elle est avec lui. Avec Jean-Claude, et c'est lui qu'elle aime. J'ai faim de tout ce que tu es, le bon, le mauvais, tout et tout ce qui me plaît. J'ai faim de tout ce que tu es, je ne peux pas lutter, c'est tout ce que je sais. Oh, j'ai faim de toi. Après cette belle déclaration, Jean-Claude est un peu plus calme, surtout qu'arrive la carte des desserts. Pour lui, c'est tout trouvé. Pas question de prendre des trucs compliqués qui oscillent entre le mou et le croustillant, entre le chaud et le froid. Non, Jean-Claude, son dessert favori, c'est... La mousse au chocolat, on dit que ça donne mal au cœur, que ça donne la crise de foie, mais il n'y a rien de meilleur. Quand je vais au grand restaurant, moi j'en commande tout le temps. Car de tous les desserts, moi c'est celui que je préfère. La mousse au chocolat, tra-la-la-la-la-l'air. La mousse au chocolat, tra-la-la-la-la-la, pouf. Monique, elle, hésite entre plusieurs desserts. Voyant cela, le serveur lui conseille un dessert qui plaît à tout le monde. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Jean-Claude voit là une allusion à peine déguisée et s'apprête à casser la gueule du serveur quand, encore une fois, Monique lui demande de se calmer. Ils ne vont tout de même pas se donner en spectacle dans ce grand restaurant. Monique commande alors deux cafés et l'addition. Elle en a marre du comportement de Jean-Claude. Je paye, on vérifie, on s'en va. Combien il y a, Jean-Claude? 954 avec mes 100 francs, ça fait... 1054. Alors, on a donc 1054 francs, parfait, puisqu'il nous faut 1574. À mon avis, il y a une boulette. bah, 500 balles la boulette, hein. On a déjà affaire à une bonne boulette. Après avoir recalculé l'addition, Monique se rend compte que non, il n'y a pas d'erreur, c'est bien l'addition. Elle ne s'était pas rendue compte du prix. Le budget nourriture de tout un mois a disparu dans un seul repas. Jean-Claude, pour la rassurer, lui dit que la prochaine fois, ils se feront eux-mêmes à manger, ça leur coûtera moins cher. Nous achèterons du chou, de la farce et des oignons. Et si la chance est avec nous, nous trouverons un beau citron pour faire du chou farci. Du chou farci comme à nous deux on l'aime, avec un beau hachis. Du vrai hachis qu'on aura fait nous-mêmes. Et vers 8h30, nous nous mettrons dans notre lit pour y déguster, ma chérie, les joies du chou farci. Manger du chou farci que l'on a fait soi-même est un plaisir aussi rare que d'aller dans un grand restaurant. Fin de l'histoire. Monique et Jean-Claude ont su se retrouver dans ce restaurant et, depuis, n'ont qu'un conseil pour leurs amis. Manger sain, manger frais, manger des tomates. Entrez. Un conseil, madame, un conseil, monsieur. Manger, manger sain, manger frais, manger des tomates. Tomates, mon amour, mange des tomates nuit et jour. Ça donne bonne mine, c'est plein de vitamines. Vitamine ABC, c'est bon pour la santé. Les acrobates, les pêcheurs, les diplomates, les boxeurs. Délaisse les patates pour ce fruit égarate. La tomate en salade, tomate farcie. L'opéra en chantant la Tosca, un grand ténor ayant manqué le la. En reçu ce soir-là, des tas, sa femme en sortant de là le consola. Mange des tomates, mon amour, mange des tomates nuit et jour. Ça donne bonne mine, c'est plein de vitamines. Vitamine ABC, c'est bon pour la santé. Ces mots. Supprimons la bomba, supprimons la la la, et remplaçons la par ce fruit délicat. Mange des tomates, mon amour, mange des tomates nuit et jour. À la tombe qui éclate, préférons les tomates. Les tomates ça fait mal quand ça tombe sur le nez. Oui, mais quand on les mange, c'est bon pour la santé. Des tomates, mon amour. Mange des tomates, mon amour. Les tomates, magnifiées par Jack Harry et son Jet Orchestra, un ovni de l'année 1961, parce que les tomates, en entrée, en plat et en dessert, c'est la base des surprenants menus du restaurant de Christian Etienne à Avignon. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre voyage étoilé dans l'univers des grands restaurants. De la table de Louis XIV à la table de l'Élysée, de Brillat-Savarin au guide Michelin, du maître d'hôtel au critique gastronomique, nous t'avons dressé un panorama subjectif de ce que peuvent être les grands restaurants. Alors, elle en est où, la haute gastronomie française, aujourd'hui ? Eh bien, après la nouvelle cuisine, genre deux haricots verts et une noix de pécan dans une assiette géante, la mode semble s'orienter désormais vers un retour au terroir. De Marc Vera à Olivier Rollinger, les nouveaux chefs retrouvent des goûts a priori authentiques à plusieurs centaines d'euros. Mais ce qui est rassurant avec la gastronomie, c'est qu'elle est en perpétuelle ébullition. Ainsi, Selon le New York Times, le meilleur chef du monde serait aujourd'hui catalan. En effet, près de Rosas, en Catalogne, Ferran Adrià innove sans cesse et a transformé sa cuisine en véritable laboratoire. Rose et peau de citron, couscous de chou-fleur et spaghettis de parmesan sont à la carte. Un des apports de la nouvelle cuisine, c'est d'allier le plaisir et la diététique. Autrement dit, fini les repas hypercaloriques. Faut supprimer le pâté, la potée, le potage et les pâtes au gratin. Le riz au lait, le riz de veau, le risotto, le riz complet, le lolo du matin. La tarte au poire, le tartare, le homard, le pommard et la tarte tatin. Faut supprimer la purée, l'apéro, le bouvray, le chevret, chambertin. Oh, c'est beau d'être bien dans sa peau, réveillon, cotillon, serpentin. Chantons tous sur ces quelques notes, le jus de carotte et les jours sans pain. Cette année, il y a dans le guide rouge 26 restaurants qui ont 3 étoiles et 70 restaurants à 2 étoiles. Obtenir une étoile, c'est, selon certains, l'assurance de voir sa clientèle augmenter de 30% ou chuter d'autant si tu en paumes une. La gastronomie en France, c'est une institution culturelle, mais également un énorme business. Un chef comme Alain Ducasse, qui, à travers tous ses restaurants, totalise aujourd'hui 13 étoiles, semble être beaucoup plus proche d'un dirigeant de firme agroalimentaire que d'un cuistot devant son piano. Cela dit, il ne faut jamais oublier qu'il y a d'autres restaurants, certes plus populaires, mais qui connaissent également un grand succès et où là aussi, tu fais la queue pendant des heures pour avoir une place. Moi je file un rancard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. À tous les recalés, de l'âge et du chômage, les privés du gâteau, les exclus du partage, si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste, demain nos noms peut-être grossiront la liste. On gardait toujours une place à table, une chaise, une soupe, un coin dans l'étable. Aujourd'hui, nos paupières et nos portes sont closes. Les autres sont toujours, toujours en overdose. J'ai pas mauvaise conscience, ça m'empêche pas de dormir. Mais pour tout dire, ça gâche un peu le goût de mes plaisirs. C'est pas vraiment ma faute s'il y en a qui ont faim. Mais ça le deviendrait si on n'y change rien. Oui, il est toujours temps de filer un coup de pouce au Resto du Cœur. Voilà, fin du 26e épisode, c'était « C'est quoi le grand restaurant ?» revu et corrigé par la bande de furieux du Mange un Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h pour une nouvelle aventure Total Foutrac et archi loufoque. C'était Panique au Mange un Palace, ce Radio Mix a été coécrit les doigts dans la prise avec Xavier Mauduit, un ami précieux, merci à lui. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr Maître Yoda, alias H2M, le génial Henri-Marc Mutel. Merci beaucoup Marco, assisté aujourd'hui de Dimitri Gronoff et de Eric Mainviel. Merci à vous deux pour toute la documentation. On dit merci beaucoup à Flora Bernard. Pour les scuds, on remercie beaucoup Thierry Dupin. Merci beaucoup à Catherine Pinto et aux documentalistes de l'INA. Pour toutes les informations complémentaires, la panique au Mange un Palace possède un site internet sur franceinter.com. Après le flash, vous retrouvez Patricia Martin pour son émission Philophile. Allez, portez-vous bien et surtout, ne lâchez rien. Ciao. Il est midi. Il est feu dans le studio, je continue.